Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, j'espère que tout va bien. Et aujourd'hui, eh bien, on va ouvrir l'émission avec un hommage à Neville Mariner, Sir Neville Mariner, qui a disparu il y a quelques années et qui aurait 100 ans en 2024. Neville Mariner, connu pour avoir fondé en 1959 l'Academy of St. Martin in the Fields, un orchestre réunissant les meilleurs solistes des orchestres londoniens, anglais, et qui était spécialisé au départ dans la musique baroque, mais le répertoire va s'élargir au fil du temps. Neville Mariner, qui était violoniste à la base, avant de fonder donc cet orchestre, et qui avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale dans la RAF, eh oui, il était pilote. On ne le sait pas toujours. Donc, on va commencer par un hommage à ce chef d'orchestre que j'aime beaucoup, Sir Neville Mariner, puisqu'il a été anobli par la reine. Et je vous propose, pour commencer l'émission, le prélude de la suite Holberg de Grieg, une suite qui évoque l'époque baroque, Holberg étant un dramaturge norvégien. Grieg était norvégien, donc il a rendu en quelque sorte hommage à ce grand écrivain de son pays. Le prélude aux cordes seulement de la suite Holberg d'Edvard Grieg, avec l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigée par Neville Mariner. Alors, l'Academy of St. Martin in the Fields et son chef ont pu bénéficier de l'essor de l'industrie phonographique, puisque les années 60-70 correspondent vraiment à une époque où la musique classique se démocratise, on peut le dire comme ça, grâce à l'enregistrement, grâce aux disques, et les gens achètent des disques. Donc, va s'en suivre une politique d'enregistrement particulièrement féconde, puisque l'Académie et son chef enregistraient parfois 2 à 3 disques dans le même mois. Incroyable, on n'imagine plus ça aujourd'hui. Et les ventes suivaient parce que c'était un orchestre remarquable et la Philips qui a enregistré, qui avait pour le label pour lequel cet orchestre a beaucoup enregistré, faisait une promo incroyable autour des disques de cet ensemble. On va retrouver justement un disque qui a été réalisé dans les années 70, début des années 70 par l'Académie et Mariner. C'est un enregistrement du Messie de Handel, une œuvre qui est un oratorio cher aux Anglais puisqu'il a été créé dans leur ville à Londres, dans la capitale à Londres, bien qu'il y ait eu une exécution aussi à Dublin qui précède l'exécution de Londres. Mais enfin, tout ça est un peu compliqué. Il y a plusieurs versions en tout cas du Messie. Et pour l'occasion, l'orchestre, l'Académie, était accompagné évidemment par le chœur, magnifique chœur créé pour l'Académie. Voici donc le célèbre Alléluia du Messie de Handel par l'Académie on Chorus of St. Martin in the Fields, dirigé par Neville Mariner. Thank you. le célèbre Alléluia du Messie de Georg Friedrich Händel avec l'Academy of St. Martin in the Fields et le chœur dirigé par Sir Neville Mariner. Et on continue avec du piano. Eh oui, Piotr Ilitch Tchaïkovski n'était pas un formidable virtuose, mais il a laissé des œuvres intéressantes pour le piano, notamment deux sonates qui, curieusement, ne sont jamais jouées, ou très peu connues. Et puis, il y a un cycle qui s'appelle Les Saisons. Bon, c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux. C'est très influencé par Mendelssohn et par la sœur de Mendelssohn, Fanny, qui avait composé un recueil qui est une sorte de calendrier musical pour piano. Alors, extrait de ce cycle, eh bien, je vous propose d'écouter évidemment Avril, joué par le pianiste Alexander Varenberg. Avril, tiré du recueil Les Saisons de Piotr Ilitch Tchaïkovski avec Alexander Varenberg au piano. Eh bien, bon, la météo n'est pas terrible, mais c'est peut-être quand même déjà l'ouverture de la pêche. Je ne sais pas, je ne suis pas très au fait de ces activités-là, mais bon, voilà. On va écouter la truite de Schubert, ça me fait penser à la pêche. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous signaler qu'il y a une émission consacrée à la pêche sur notre antenne, sur Radio Fadjet. Ça s'appelle Au fil de l'eau et c'est présenté par François. Il y a des podcasts évidemment disponibles sur la page de la radio. Au fil de l'eau, hein, faut écouter. Et donc cette truite de Schubert, ben, c'est un lead au départ. Alors on va l'écouter, non pas dans sa version originale pour voix et piano, mais dans une version avec orchestre. Et c'est Benjamin Britten, le compositeur anglais, fameux compositeur d'opéra entre autres, qui a orchestré ce lead de Schubert, la truite dite Forêlée, Deutsch 550. On va l'écouter chanté par Anne-Sophie Von Otter. L'orchestre de chambre d'Europe est dirigé par Claudio Abbado. Schoss in Flor ein, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruh, es kommt ein Fischleins Bade im klaren Bächlein zu, des Monden Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an die Mauer kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. Solang die Masse hänge, so dacht ich nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich ward im Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch drüber, und ich es gedacht, so zuckte seine Rute, das Fischlein zappelt dran. Und ich mit regem Blute sah die Betrüge an. Ich mit regem Blute sah die Betrüge an. La truite de Schubert, orchestrée par Benjamin Britten avec l'Orchestre de Chambre d'Europe, dirigée par Claudio Abbado et la belle voix de la mezzo-soprano suédoise Anne-Sophie von Otter. Alors, à partir de ce lead, Schubert a composé un quintet avec piano et un quintet avec piano, oui, c'est bien, je ne me suis pas trompé. Quintet avec piano, alors c'est une œuvre assez légère finalement, assez gaie, assez joyeuse, c'est assez rare, hein, c'est chez Schubert pour être signalé. Et ça date de 1819, un riche mécène de la ville de Steyr avait invité Schubert à composer une pièce pour piano et cordes dans le style de Hummel. Hummel, c'est un compositeur qui avait beaucoup de succès à l'époque, qui était un élève de Mozart. Et Schubert a accepté, et certainement que l'environnement de cette ville d'Autriche, avec un été splendide, le parfum de la forêt des pins, l'air de la montagne, et puis les attentions plus prodiguèrent les 8 filles d'un ami des environs, bien tout ça a contribué à égayer Schubert, qui n'était pas toujours d'un naturel très très gai, jovial. Et bon voilà, donc en résulte cette œuvre magnifique, le quintet La Truite, avec son quatrième mouvement qui est un thème et variation sur le thème du lead. Voici un extrait de ce thème et variation joué par le quatuor Amadeus avec au piano Émile Guilels. Un extrait du quatrième mouvement du quintet La Truite de Schubert. Le thème et variation avec le quatuor Amadeus et Émile Guilels au piano. Tommaso Albinoni, bah vous le connaissez pour l'adagio. Bah oui, mais l'adagio n'est pas de lui. Bah je le dis souvent parce que c'est une supercherie musicale comme il y en a eu peu dans l'histoire de la musique. C'est un thème de basse continue à la base un certain Remo Giazzotto, musicologue, a retrouvé. Et il en a fait cet adagio que tout le monde connaît aujourd'hui, un tube planétaire de la musique classique. Et bon, pour autant, Tommaso Albinoni est un grand compositeur. On l'appelait il dilettante parce que c'était un musicien qui n'avait pas besoin de travailler pour vivre. Il était très riche, issu d'une famille très riche. Et donc, la musique, c'était un passe-temps en quelque sorte. Hein. Allez, on va écouter cet adagio faussement nommé d'Albinoni, de Remo Giazzotto, interprété à l'orgue par Wolfgang Holstein. Et puis le Deutsche Bach Solisten est dirigé par Helmut Wischermann. Le célébrissime Adagio d'Albinoni, interprété à l'orgue par Wolfgang Holstein, et le Deutsche Bach Soliste, je vais y arriver, dirigé par Helmut Wischermann. Wischermann, pas facile tout ça. Hein. Bon, allez, on continue avec Johann Strauss-Fils, c'est l'une de ses valses les plus célèbres, Voix du printemps, bah oui, j'ai souhaité passer cette valse parce que évidemment ça évoque le printemps, c'est pas trop en ce moment on n'a pas l'impression d'être au printemps ces jours-ci, mais enfin bon voilà quoi, on y est quand même, la nature éclot et c'est bien, et donc une valse parmi les plus célèbres, parmi celles qu'on aime toujours à réécouter, Voix du printemps avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne dirigé par Riccardo Muti. Thank you. J'adore ce répertoire. La musique viennoise, musique légère, on dit parfois, mais si bien écrite, si inspirée. Voix du printemps de Jan Strauss-Fils avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne et Riccardo Muti à la baguette. Et on retrouve notre cycle des sonates de Beethoven. J'ai entrepris de présenter un mouvement de sonate par émission, enfin du moins tant qu'il n'y a pas d'invité dans l'émission. Et nous en sommes à la sonate numéro 20. Alors en fait, sonate sonatine, parce qu'elle est en deux mouvements, comme sa sœur, la 19e, publiée d'ailleurs en simultané. Et donc des œuvres probablement de jeunesse que Beethoven a insérées tardivement à son catalogue. Voici le premier mouvement, Allegro Manon Troppo de cette sonate numéro 20 de Beethoven, opus 49 numéro 2, joué par Stephen Kovacevic. Thank you. Un extrait, le premier mouvement de la sonate numéro 20 de Beethoven, interprété par Stephen Kovacevic. Et on continue avec Brahms. Brahms, c'est sa troisième symphonie, composée en 1883. Alors j'ai dit tout à l'heure que Schubert s'était imprégné de la campagne, des odeurs, de la forêt, de toute cette atmosphère un peu bucolique, poétique, pour composer son quintette La Truite. Eh bien, Brahms, c'est un peu la même chose pour sa troisième symphonie, et d'ailleurs pour d'autres œuvres, parce qu'il adorait arpenter la forêt noire, les chemins de la forêt noire, et tout cela est bien inspiré. Nourrissait son inspiration, j'y arriverai. Et voilà, donc il a composé beaucoup d'œuvres inspirées par ces paysages. Et on va écouter le troisième mouvement de cette troisième symphonie de Brahms, Poco Allegretto. Alors vous allez peut-être reconnaître, parce que Serge Gainsbourg s'est beaucoup inspiré lui aussi, mais du classique pour ses chansons, et il a repris le thème de cette symphonie, de ce mouvement, dans l'une de ses principales chansons. Thank you. Le Poco Allegretto de la troisième symphonie de Johannes Brahms avec l'Orchestre Symphonique de Boston, direction Bernard Haitink. Et on continue avec de la voix, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de voix dans l'émission d'aujourd'hui. Eh bien, un motet de Mozart, Exultate Jubilate, motet composé par un Mozart encore tout jeuneau, et pour le service du prince archevêque de Salzbourg, Colloredo. Voici le début de ce motet Exultate Jubilate, chanté par Emma Kirkby, et puis l'orchestre The Academy of Ancient Music est dirigé par Christopher Hogwood. Thank you. Début du motet Exultate Jubilate de Mozart avec Emma Kirkby et The Academy of Ancient Music dirigé par Christopher Ogood. Allez, on termine avec Johann Strauss-Fils, quadrille des nouvelles mélodies avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne dirigé par Riccardo Muti. C'était Quadrille des nouvelles mélodies et vous aurez remarqué l'hommage de Johann Strauss-Fils à ses contemporains, ses collègues, Offenbach et Verdi surtout. Voilà, notre émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine à 11h pour de nouvelles émissions de Discothèque Classique. Restez à l'écoute, bien sûr, de Radio Fagette. Bon dimanche à toutes et à tous et à très très bientôt, j'espère.